was reference in relation to the corner he came from, the company he came. She was from the country, far from the city. They shared one love, they were destined for defeat. He was tortured, he was troubled. She was sick and she was lost, searching for an answer. Rebels were the cause, doing what they do to get what they need. Life was cheap, there were no guarantees. Dead in pins, you don't want them, you don't need them, and you'll always find a reason when you need to write them off. Dead in pins, you can take them, you can leave them. You said they never listen, you said they'd be better off. But we believed in you, we knew it from the start. Hey kid, you got heart. They were wretched, they were raw, they were tough and they were mean. They were scared, they were cold, they were somewhere in between. Looking for a chance from someone to believe. Remember what you see ain't always what it seems. So give a kid a hand, lift them up and dust them off. Many will stumble, others will be lost. For all who failed, so many will succeed. Don't be angry at the kids, be angry at the greed. Dead end kids, you don't want them, you don't need them. And you'll always find a reason when you need to write them off. Dead end kids, you can take them, you can leave them. You said they never listen, you said they'd be better off. But we believed in you, we knew it from the start. Hey kid, you got Dropkick Murphys avec Rebels With A Cause. C'est le Camarade B qui vous accueille pour cette 694e émission de Skypunka en ce vendredi 5 janvier 2018. Et oui, nous en sommes à la 41e année de naissance du punk. Yes, sir! Et puis là, aujourd'hui, eh bien, gros spécial. C'est le best-of de 2017 avec 40 tunes pour souligner les 40 ans du punk. Ouais, parce que en 2017, ça a fait 40 ans le punk. Puis l'autre raison, c'est que, en tout cas, je me suis forcé vraiment là, pour choisir mes bands. Puis j'étais pas capable d'en couper plus que ça. Fait que 40 tunes, 40 groupes. Bon, qu'on peut dire 41 parce que dans le fond, avec Dropkick Murphys en début, c'est sûr, on avait eu, dans le fond, l'introduction de Lansome Boatman, qui, bien sûr, introduit leur nouvel album qui s'appelle Eleventh Short Story of Pain and Glory. Puis, en tout cas, c'est ça. Donc, j'ai décidé de commencer avec Dropkick parce que au Festival 77, ils ont donné une tellement bonne prestation qu'il fallait bien justement que Dropkick soit dans cette best-of-là. Puis, de toute façon, ça faisait tellement longtemps qu'on les attendait à Montréal. Hein. Ça a été tout un bon show, ça. Il y a Rancid aussi qui va faire partie, bien sûr, de cette émission, parce qu'on pouvait pas faire une émission sans parler du nouvel album de Rancid, qui a quand même marqué l'année. Même si je trouve que Dropkick Murphys, leur nouvel album est très, très... est vraiment bon. Rancid, ils ont fait un bon album, mais... ouais. Mais bon, en tout cas, ça reste dans mon top 40. On commence au live, puis aussi... soyez pas vexés, là, y a pas de numéro 1, de numéro 2, puis de numéro 40, là, c'est tout mélangé comme d'habitude, là, tout le monde égal, fait que vous êtes 40 poches, ou bien 40 bons, prenez ça comme vous voulez. Donc, en tout cas, on commence avec The Prowlers, et puis Prowlers Crew. Là, je vais y aller avec la version qui se retrouve sur le vinyle This Is Montreal, ok, qui est bien sûr la petite compilation avec The Prowlers, Shot Caller, King Can, et puis Torment. Ensuite, on va continuer avec King Cans et leur chanson Not Dead Yet, que j'ai enfin en vinyle, et oui. pièce qui se retrouve sur leur split avec Capo Blood de France, split qui s'appelle 13-12. Split qui est à la fois sur LSC Record et puis sur Aram Record. Donc c'est ça là pour King Can, on va entendre Not Dead Yet, puis après ça, ben tant qu'à avoir le vinyle, surtout l'édition rare qui est orange, qui joue super bien, hein, les boys, ils avaient vraiment bien fait ça, très beau vinyle, ils jouent très bien. Pour Capo Blood, on va entendre la chanson Drink and Destroy, parce que l'autre, je l'ai fait jouer à la dernière émission, c'est-à-dire la pièce Je nettoie la France, là. Mais là, on va entendre la chanson Drink and Destroy. C'est la première fois que je la passe cette année, mais c'est pas grave, ça fait partie du best-of, hein, parce que pourquoi, c'est comme ça, yes sir! Après ça, on va avoir la deuxième version de la chanson Serial Pousseur des Prowlers, extrait bien sûr du EP Serial Pousseur, qui est sorti en 2017, là, sur Insurgents Record, ainsi que Agrobeat et puis General Strike, là. Donc c'est ça, on va entendre la version qui ressemble pas mal comme à du Beru, là, qui ont appelé la version démo 89. On s'entend en 89, les Prodders étaient trop jeunes pour avoir fait ça, mais c'est parce que ça ressemble à du Beru, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Et ouais, vraiment très bonne version de Serial Pousseur, ça fait changement de la version officielle là, qui est du gros oeil. Ben là, ça fait du punk à la Beru. Ah, bien sûr, ouais, c'est ça. Là, j'ai dans mes mains tout d'un coup la cassette de King Kong qui s'appelle Summer of Oi. Pourquoi? C'est parce que Not Dead Yet, vous pouvez aussi la retrouver sur justement la cassette Summer of Oi. Puis sur Summer of Oi, ben il y a aussi hein, Fighting Drunk ainsi que le cover Fuck You de Blitz. Bon, fait que là, ben on est rendu dû pour commencer. Fait que ah ouais, go! Let's go avec ce premier bloc et ça commence avec The Prowlers et puis The Prowlers Crew. Yeah, Skypunka! We debout, ce monde je veux crever, car il m'a rendu fou. I don't drink and destroy, I don't drink and destroy, drink and destroy is my way of life. I don't drink and destroy. Alors, c'était Serial Pousseur, version démo 89 des Prowlers, pièce qui se retrouve bien sûr sur leur album Serial Pousseur. Et puis après ça, pas après ça, mais au début du bloc plutôt, on a vu The Prowlers avec Prowlers Crew, pièce qui se retrouve sur This Is Montreal, The Sound of Our Streets, qui contient des chansons des Prowlers, The Shot Caller, de King Can et puis The Torment. Bon. Et puis après ça, eh bien, on avait eu King Cans avec Not Dead Yet, ainsi que Capo Blood avec Drink and Destroy, deux chansons qui se retrouvent sur le split de Capo Blood et puis King Cans, qui s'appelle 13-12. Et, ben, c'est ça. Maintenant, on continue avec d'autres choses. On y va tout d'abord avec la formation canadienne Barbed Wire Braces, avec la chanson Never Again. Pièce qui se retrouve sur leur EP qui s'appelle Brace Yourself EP, que vous pouvez retrouver sur l'étiquette Bald Punk Music Record. Donc très bon EP de Captoon. Et puis après ça, eh bien, on va aller faire un tour aux États-Unis, plus exactement dans la région de Philadelphie, avec Legend 76 et puis la chanson Word Decay, qui est extrait de leur plus récent album 10 pouces qui s'appelle Banners Fall. Vraiment très bon album, très bon vinyle, le vinyle que j'ai c'est l'édition du vinyle blanc, en tout cas très très bon vinyle, très bonne qualité, tu sais, du 180 grammes, on le sent, c'est lourd, puis ça joue très bien. Après ça, on reste à la même place, mais avec un autre groupe, mais avec pas mal de monde qui sont dans ce groupe-là aussi, c'est-à-dire... du monde qui sont dans Legend 76, mais un de leurs side projects, c'est-à-dire Thunder and Glory et la chanson Through the Fire, pièce qui se retrouve sur l'album Living in Crossfire. Ça aussi, ça vient sur un 10 pouces. sur Contra Record et puis Longshot Music, tout comme l'album précédent, c'est vrai, de Legend 76. Là. Très beau vinyle jaune qui joue très bien. Puis ouais, c'est le fun, ça, des bons vinyles. Puis après ça, eh bien, on va avoir Rude Pride, et puis la chanson qui s'appelle Bars and Snackles, pièce qui se retrouve sur leur tout nouvel album Take It As It Come, qui est vraiment un très bon vinyle. Moi, j'ai l'édition du vinyle rouge, genre de rouge orange, rouge rosé, là. Ouais, en tout cas, aussi, c'est lourd, puis ça joue bien comme vinyle, ouais, un bon 180 grammes, là. Sérieusement, ça aussi, c'est sur Longshot Music et puis Contra Record, donc on dirait bien que Longshot puis Contra, là, font des méchants bons vinyles. Donc, c'est ça, je vous le conseille, très bon album, arrangez-vous pour vous le procurer, vous serez pas déçus. Franchement, ils ont vraiment fait un bon album cette année, Road Pride, ben, tout comme les albums précédents, faut dire aussi. Puis, après ça, eh bien là, on va aller faire un tour en mods aux États-Unis avec Duffy Scott et la chanson She Don't Dance, pièce qui est extraite de leur album qui s'appelle Killer on the Dance Floor. Question un peu de changer le beat et de, je sais pas moi, de danser à la place de trasher. Yeah! Allez, let's go! Barbed Wire Braces et Never Again à Skypunka dans ce spécial qui s'appelle Best of 2017. Let's go! that came from she don't want you to shoot. And she don't dance, yeah. You should have heard it while on your seat. That old lady, man, she's better than me. Why the pair gave the gasoline and she don't dance? Alors, c'était Duffy Scott avec She Don't Dance. Et puis, au début de ce bloc, on avait eu Barbed Wire, Braces, et puis Never Again, Legend 76 avec Words, DK. Après ça, on avait continué avec Thundering Glory, et puis la pièce Through the Fires, ainsi que Rude Pride avec Bars and Snackles. Maintenant, on s'en va dans un bloc un peu plus crappy avec du psycho pis du punk là, qui nous parle de bébite là. On commence tout d'abord avec The Creepshow et la pièce Death at My Door, pièce qui a introduit l'album portant le même nom, qui en fait qui est leur tout nouvel album, au Creepshow, et qui est le second album avec bien sûr Kenda Lagaspi, très bon album. Ils ont été fouillés un peu dans le punk en plus dans cet album-ci. Il y avait une chanson folk à la fin, en tout cas, très bonne. Moi, je dirais que c'est le meilleur album que les Creepshow ont fait jusqu'à maintenant. Donc, très bon album pour The Creepshow sur Stomp Record en CD puis en vinyle. Après ça, on va continuer avec une nouveauté. Il y a le groupe Atomic Threat, donc nouveauté parce que c'est un nouveau groupe là qui a été créé il y a... au cours de 2017 qui ont été créés. Ouais, il me semble, c'est ça, 2020, c'est pas mal tout en 2017. Faut bien que les origines un peu, là. Il y a sûrement que Farid est crampé en deux. Ils disent, c'est en 2016, ça, camarade, qu'on a commencé. Mais en tout cas, ils ont tapé leur affaire en 2017. Fait que donc, c'est ça. Alors, on va attendre la chanson Bomb Oshalaga d'Atomic Threat. Très bon groupe. Allez les voir en show. Faut les encourager parce que quand ben même que ce soit là, des bons vieux punk rockers, ben, tu sais, c'est un nouveau groupe, fait qu'il faut les encourager, hein. Ouais, faut avoir la peine. Ils sont vraiment bons à voir en show, très professionnels, soit dit en passant. Même si c'est quand même pas mal, un de leurs premiers bands pour la majorité, là. Ensuite, vous aurez The Reagan Cowboys avec It's Coming Down, pièce qui se retrouve sur leur album de Cowboy Code, sorti sur Stomp Record. Album disponible en CD puis en vinyle, ça aussi. Et puis, finalement, hey, du Brésil, la formation Bad Luck Gamblers avec la chanson Terror Train. Eux autres, ils ont sorti leur album qui s'appelle Casino Maldito là, à la fin 2016. On s'entend, tu sais, quand tu sors ça en décembre 2016, il y a des bonnes chances que ça se retrouve en 2017. Puis le temps que vous leur soyez était rendu 2017 aussi, de toute façon. Fait que c'est pour ça que c'est dans ce best-of-ci. Puis d'ailleurs, de toute façon, je suis pas mal sûr, même au Brésil, ça a pas mal plus sorti en 2017 qu'en en 2016, ouais. En tout cas, bref, très bon album de Psycho. Pour les amateurs, moi je dirais des Gutter Demon, là, ben, Bad Luck Gamblers, là, vous serez pas déçus, c'est pas mal dans le même genre. Sur ce, allez, let's go, musique. I'm Oh yeah, Terror Train de Bad Luck Gambler, j'espère que vous avez aimé ça. Fait que, comme j'ai dit tantôt, ce groupe-là, il vient du Brésil, et puis c'est vraiment bon. Et au début du bloc, on avait eu The Creep Show avec Death at My Door, ainsi que Atomic Threat avec Bomb Oshalaga, et puis The Reagan Cowboys avec It's Coming Down. Maintenant, on continue en folk punk avec tout d'abord Morgan et puis Morgan Daly, pièce qui se retrouve sur l'album qui porte le titre de la chanson qui va jouer. Tout nouvel album, c'est ça, de Morgan Daly, sorti sur Stomp Record. Donc, faut dire que Stomp a été pas mal prolifique cette année, hein. C'est comme Matt m'avait dit en entrevue l'année passée, là, c'est ça. Qu'il était pour sortir plein d'affaires, justement, là, sur Stomp Record cette année. Ben, c'est vrai, ça a été très varié, faut dire. Ouais, donc, félicitations, Stomp Record, puis continuez comme ça. C'est le fun d'avoir un label qui sort gros des bennes de différents horizons, pas juste dans le ska, mais tu sais, dans le folk punk, dans le psycho, dans le punk. C'est le fun. Après ça, ben, on va avoir Route Saint-Louis avec le blues du punk, extrait de l'album Punk de Chalet. Puis après, ben, on va avoir Crash Ton Rock avec Brûle le Québec Brûle, pièce extraite de leur album Volteface, sorti cette année. Ben, c'est juste là, sorti cette année. On est rendu en 2018, là. En tout cas, sorti sur Stomp Record, là. Ouais, je vous dis, il y avait gros des affaires qui sont sortis sur Stomp. Crash Ton Rock en faisait partie. Et puis après ça, eh bien, WD-40 avec La Mer des Tourments, pièce que vous pouvez retrouver sur leur tout nouvel album qui s'appelle La Nuit après le Déluge. Sur ce, allez, let's go, allons-y avec Morgan et puis Morgan Daly. Tout ça à Skypunka dans ce spécial Best of 2017. Vous soulignez les 40 ans du punk, Clem. Yeah! Go! You'll never ruin all. cachais les yeux. J'ai déposé une croix rouillée sur ton cercueil. Près des quatre lys, fallait que t'enfermes la veuve et j'ai crié. comme les continents. Se soudre tout tard dans la mer des tourments. Dans la mer des tourments. Dans la mer des tourments. Dans la mer des tourments. Dans la mer des tourments. Dans la mer des tourments. C'était WD-40 et puis la mer des tourments. Et au début du bloc, on a eu Morgan avec Morgan Daly, Rod Saint-Louis avec le blues du punk, ainsi que Crash ton rock et brûle, Québec brûle. Maintenant, on continue en hardcore, en hardcore et puis en crossover, puis en hoy. Avec tout d'abord Offside et puis la pièce Big Boss, extrait de leur tout nouveau EP Big Boss, mais là je vous passe la version vinyle parce que l'autre fois à l'émission c'était la version MP3 et là c'est la version vinyle. Après ça, Tagada Jones avec Vendredi 13, extrait de leur plus récent album La Peste et le Choléra, que je vous conseille à vous procurer en vinyle parce qu'en vinyle, ben, il y a des tunes qu'il n'y a pas sur le CD ou sur l'album qui est en MP3. Puis, ben, il y a une carte de téléchargement qui vient avec ça, avec le vinyle. Fait que, attends, c'est plus avantageux d'avoir le vinyle. Par contre, comme c'est une édition limitée à 1000, je sais plus si ça reste encore. Après ça, eh bien, on va continuer avec les 22 longs riffs et puis la chanson Alerta. Yes, excusez. Pièce qui se retrouve sur leur plus récent album Bal Populaire. Et puis, les 22 longs riffs, c'était-tu bon, c'est quand ils sont venus au Québec, hein? Yes! Fait que les 22, là, revenez quand vous voulez. Vous êtes excellents en show. Ça coûte peut-être cher en prêtage de guitare puis de cordes de guitare, parce qu'il faut dire que, ouais, vous jouez à fond en tabarnouche. Mais en tout cas, vous êtes tout un groupe. Et puis, après ça, Genetic Error avec une de leurs nouvelles chansons, la pièce What If. C'est sûr que originalement, ça fait un bout qui a été composé, mais elle a été enregistrée en 2017. Puis ben justement, ça se retrouve sur leur tout nouveau EP. On pourrait l'appeler comme un EP, mais comme qu'il y a 11 tunes. En tout cas, mettons que le projet de base de l'album avec la pièce What If, on peut dire que c'est un EP parce que dans le fond, il y a 4 chansons qui n'avaient jamais été enregistrées par Genetic Error, soit bien sûr What If, ainsi que Overthrow, Greedy, et puis Cross Me Fool, mais ça, qui est une reprise de la formation Metal Razor, là. Mais il y a aussi, tu sais, après ça, 7 autres chansons d'anciens albums de Genetic Error, donc 4 albums qui se retrouvent sur Superficial, c'est-à-dire Ride, Superficial, Fashion City, puis Guilty Cheeps. Puis il y a aussi 3 autres chansons qui se retrouvent sur leur vinyle Toxic Planet, ben, qui à l'origine était sorti en cassette, mais qui est sorti en vinyle en 2016. Là. Fait que c'est ça. Donc, Genetic Error avec What If, ça aussi, si vous les voyez, allez les voir, ils sont vraiment bons à voir en show, là, c'est des vrais professionnels, eux autres. Là. Ok, c'est sûr. Leur sideline, c'est les rectums. Mais là, ils ont mis les rectums de côté pour Genetic Error. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, les métals qui ont des préjugés en disant que le punk, c'est trop facile, ben, allez voir Genetic Error, vous allez voir que là, vous allez être servi. Mais j'avoue que si vous êtes vieux, vous connaissez Genetic Error. Puis c'est vrai que les vieux métals sont bien contents de revoir Genetic Error. Puis, ben, les jeunes, ils découvrent un band qu'ils ne connaissaient pas. Après ça, Coxparer avec Nothing Like You, extrait de leur plus récent album. Ah, c'est sûr, c'est le best of 2017. Il faut d'être récent l'album. En tout cas, bref, qui se retrouve sur leur album Forever, qui est sorti sur Pirate Press Record. Sur ce, ben, on commence le bloc, là, puis on y va en musique avec Offside et puis Big Boss. Let's go! Fuck! Right. commando suicide frappe la capitale. L'ennemi en plein cœur de Paris massacre des cibles dans une grande frénésie. Le civil tombe sous les balles. Un par un, il croise le chemin du regard vide, glacial et incensable du soldat radical de la haine viscérale. Je garde cette image d'horreur et d'espoir. Un chalet qui tombe pour cette chariot et qui ne sera and minds have tried to go and hide. This is not a test, this is not an exercise. This time, it's for real, you've got to run away. But just regain your go, feel the panic everywhere. It's every man for himself, and don't expect some help. Then suddenly it happens, a missile touches the ground. The sky is no longer blue, everything seems red. You couldn't take cover, you didn't have the time. You feel your skin as burning as another missile touches the ground. the team. I've never had a need to act like you. I've never told a lie. You've never told the truth. I was born in a house like you, on a street like you, in a town like you. Every day I went to school like you, played the fool like you, broke the rules like you. I was born in a house like you, on a street like you, in a town like you. Every day I went to school like you, played the fool like you, broke the rules like you. Ok, alors c'était Cox Power avec Nothing Like You, et puis au début du bloc, on a eu Offside avec Big Boss, Tagada Jones avec Vendredi 13, les 22 longs riffs avec Alerta, ainsi que Genetic Error, et puis What If. Maintenant, on ralentit le beat, et puis on s'en va en ska et en reggae, ainsi qu'en ska punk, avec les formations suivantes. Tout d'abord, Osmosis Unlimited, Mets, The Kingpins, avec la chanson Tous nos agents version ska. Extrait d'un album qui est pour l'instant un album MP3. En tout cas, un album, oui, en tout cas, c'est ça qui se retrouve sur Internet. Bref, là, en tout cas, donc l'album Tous nos agents EP. Yes! Et après ça, eh bien, on va avoir 8.6 crew avec Reggae Music Is So Nice. Pièce qui se retrouve sur leur plus récent album qui s'appelle Working Class Reggae, disponible en vinyle sur Une Vie Pour Rien Vinyle. Et puis, donc c'est ça, très bon album, qui contient 12 chansons. Mais ce qui est le fun avec le code de téléchargement, en fait avec la carte qui vient avec le vinyle, c'est que vous avez des versions dub aussi, des chansons qui se retrouvent sur cet album-là. Donc ça fait quand même un petit bonus supplémentaire, là, puis... C'est vachement divertissant, putain, ouais! Ok. Et puis après ça, les Partisans avec À Jamais, pièce qui vient éclore leur plus récent album, Rallumer tous les soleils, qui est vraiment un très bon album de rocksteady, qui rencontre du ska et du reggae. Yes, sir. Et puis, après ça, The Machinist, un groupe que je ne connaissais pas, mais qui ont sorti un EP sur Rusty Knife Records cette année. On va entendre la chanson My Friend Henry, qui est dans le fond le B-side de leur album éponyme. C'est ça, oui, ça, il est ben éponyme. Ouais, donc album éponyme. Sur le côté 1, c'est la chanson Watching TV, puis sur l'autre côté, c'est My Friend Henry. Donc, très très bon EP, sorti cette année, c'est ça, sur Rusty Knife Records. Et cette année, je suis encore en erreur parce qu'on est rendu en 2018, là. Et donc, c'est ça. Bref, vous avez compris. Alors, let's go! Musique, et ça commence avec Osmosis Unlimited, Mets, The Kingpins, avec Tous nos agents version ska. Tout ça, à Skypunka. Agents sont présentement occupés, personne n'écoutait. Assurance. Vraiment désolé. Tous nos agents sont présentement occupés. Personne n'écoutait. Tous nos agents sont présentement occupés. C'est comme ça que ça se fait. Tous nos agents sont inondés. Occupés au délai. Tous nos agents sont présentement occupés. Tchau. Les espoirs que je porte m'enivrent à chaque fois. Et je me réveille souvent avec la gueule de bois. Si je titube, c'est dans tes bras que je veux tomber. Même en cœur de la nuit, je rêve de tes baisers. Sorry, Harry, my friend. Ok, alors c'était The Machinist avec My Friend Henry, et puis au début du bloc, on avait Osmosis Unlimited, Matt The Kingpins avec tous nos agents. Ensuite, on a continué avec la pièce Reggae Music Is So Nice de 8.6 Crew. Ça a été suivi de Les Partisans avec À Jamais. Maintenant, on enchaîne en oeil avec les formations suivantes, dont, premièrement, Riot Company et puis la chanson Razor Blade, pièce qui se retrouve sur leur split avec Comptoir K.O. qui est tout nouveau, tout frais, qui est en CD et puis en vinyle. Et on va entendre justement la chanson Razor Blade, ouais je l'ai dit. Et donc c'est ça, alors c'est un EP en vinyle et en CD. Et puis très bon album, très bon EP. Et c'est bien sûr sur l'étiquette Runs Record. Après ça, eh bien, on va avoir Ultra Razia avec la pièce À la dérive, pièce qui se retrouve sur leur démo 2017 qui s'appelle La démo, tout simplement. Et puis après ça, on va continuer avec Syndrome 81 et la chanson N'oublie jamais, pièce que vous pouvez retrouver sur l'album Gerbe Anthologie. Qui est sorti, c'est sûr, en 2017, là, sur Dure Réalité, mais que vous pouvez retrouver également en vinyle, là, sur un split qu'ils ont fait avec Urbain Sauvage. Ouais. Ensuite, on va continuer avec Punch K.O. et puis la pièce Sedent by Night, pièce qui se retrouve sur l'album Demain le K.O., qui est paru sur, Runs Record. Et ensuite, nous aurons No Man's Land avec la version live de la chanson Taken Away, pièce qui se retrouve sur leur album qui s'appelle Live and Loud, sorti à la fin 2016 sur Rusty Knife Record. Mais le temps que je reçoive l'album, bang, il est rendu 2017. Puis en plus, si vous allez sur Internet, vous allez voir que le spécial que j'ai fait justement avec cet album-là, c'était, je crois, au mois de février, là. Fait qu'on s'entend, c'est du 2017, ça, No Man's Land. En tout cas, leur album live. Donc, on va entendre, c'est ça, la chanson Taken Away, qui est la pièce qui vient clore leur plus récent album live, mais pas studio, parce qu'ils ont un album studio aussi qu'ils ont sorti cette année sur Rusty Knife Record, l'album studio qui s'appelle True to Myself. Mais ça me tentait de mettre cette chanson live parce qu'elle est vraiment bonne. Et puis, après ça, eh bien, c'est tout. Donc, allez, let's go! Puis ça commence avec Riot Company et la chanson Razor Blade. Tout ça à Skypunk! You don't care about your hips and you don't care about your life. You might have wished for speed ahead, but your head stands in the aisle. I'm caught you, you're stumbling on the fuck, we never win. You only have a life, go live, that's why you have the time to spend. That's on a way to blade, fast and merciless. That's on a way to blade. éclaté, dépression générale, dommage collatéral, germe dans la nuit, une descendant, germe dans la nuit, germe dans la nuit, une descendant, germe dans la nuit. Les couleurs pas vraiment pastel. Ça t'en va, night. Ça sent la sur les quais de Meuse, à la recherche d'une gueuse, une ouverture du bar Nassau pour un café calvin bien chaud. C'est dans Van Nuys, ça sent la ripaille, attention la pagaille. C'est dans Van Nuys, ça sent la ripaille, attention la pagaille. C'est dans Van Nuys, ça sent la ripaille, attention la pagaille. C'est dans Van Nuys, ça sent la ripaille, attention la pagaille. Okay, la Gutrager, take it away. Alors c'était No Man's Land avec la pièce Taken Away, version live. Et puis au début du bloc, on a eu tout d'abord Riot Company avec Razor Blade, Ultra Radio avec À la dérive, Syndrome 81 avec N'oublie jamais, et puis Punch K.O. avec C'est dans By Night. Maintenant, il est rendu le temps de se quitter pour ce Best of 2017. Et on se laisse aujourd'hui avec Les ordures ioniques et puis Idiocratie, pièce qui se retrouve sur leur album, qui est un album éponyme, et oui, et qui est sorti à la fois sur Musique Néfaste et puis Runs Record. Musique Néfaste, c'était pour le MP3 et puis pour le CD, tandis que Runs Record, c'est pour le vinyle, qui est un vinyle blanc. Et puis, après ça, eh bien, on va avoir Comptoir Chaos avec Loup Solitaire, pièce qui se retrouve sur leur split avec Riot Company, qui a joué précédemment, mais j'avais pas parlé du côté, justement, de Comptoir Chaos, parce que là, c'est le temps de le faire. Et donc, Comptoir Chaos aussi ont repris une chanson de Riot Company, la chanson Snotty Boy, tandis que Riot Company, eux autres, ils ont repris la pièce Comptoir Chaos de Comptoir Chaos, qui a également été repris aussi par les ordures ioniques sur le split qu'ils ont fait avec eux. Donc, c'est ça. Et puis après, on va avoir Zone Infinie avec la chanson Le Tunnel, pièce qui se retrouve sur leur album qui s'appelle Rester et Fuir. Après ça, eh bien, on va avoir Dur Cœur et puis la chanson Assez, c'est assez, pièce qui se retrouve sur leur album Dur, Dur, Dur, sorti sur Dur Réalité. Ça en fait du dur, ça. Et puis, après ça, on va avoir The Lucky Ones avec la chanson Old School Punk Rocker, pièce qui vient clore leur plus récent album qui s'appelle Better Late Than Never, sorti sur Stumble Record. Et puis, ensuite, on va avoir Rancid avec la chanson qui vient clore leur plus récent album, c'est-à-dire Go On, Rise Up, pièce qui se retrouve sur l'album Troublemaker. Et finalement, nous aurons Rip Chords avec la chanson Music Is Dead, pièce que vous pouvez retrouver sur The Vinyl Countdown, album de deux vinyles. Et puis c'est vraiment une très bonne compilation de Rip Chords sortie cette année à la fois sur En Garde Record et puis sur Stomp Record. Donc vraiment très bon album. Ce qui est le fun, c'est que il y a en plus l'album de Noël de Rip Chords qui vient avec ça en CD, en plus des deux vinyles là. Il y a également aussi la carte de téléchargement. Et ce qui est le fun sur la carte de téléchargement, c'est que toutes les chansons, tout le playlist, ben, il est complètement à l'envers. Fait que ça fait différent quand tu l'écoutes en MP3 puis quand tu l'écoutes en vinyle. Fait que c'est ça. Et c'est la seule vieille chanson de l'émission. Parce que dans le fond, c'est sûr que ça a pas été fait en 2017, ça, mais en tout cas. Ça se trouve sur l'album compilation de Vinyl Countdown de Rip Chords qui est sorti cette année. Fait que, ben, c'est ça. Moi, je vous dis cette année. Qu'est-ce que je fais là, mec, le mot t'as dit cette année? Hey, c'est en 2017. On est rendu en 2018. On va-tu le lâcher cette année pour cette émission aussi? En tout cas, fait que c'était la 694e émission de Skypunka. Ah oui, puis à la fin totale de l'émission, là, après la outro, là, vous allez avoir un bonus. Ouais. Pièce d'un groupe bizarre de Montréal, ouais. Ils ont fait une chanson en hommage à un certain Coder. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça a rapport avec les chiens. Ouais, je pense que oui. En tout cas, sur ce, bye bye tout le monde. Et puis, rest in peace, Brutus. Hey! cœur écorché, quitté par les étoiles, ou à la recherche d'une meute comme toi. J'ai vu. Midnight blue, 'cause tonight it's just me and you. This world is messed up. I just wanna hold you. New frequencies now. I just wanna show you. Into the hemisphere. Cause tonight, let's make one thing clear. Cause tonight let's just make one thing clear. Into the midnight room. Cause tonight it's just me and you. Oh, God. season 16. There's no solution you can't choose. It doesn't matter if you win or lose. Too late when you found the back door. Because we're on a belt tonight. Marcher sur les pieds, il faut jamais abandonner. Bon, prendre nos rêves, se réaliser. La passion nous garde en vie. Faut se crisser de ce que le monde a dit. Il faut jamais abandonner. Continuer de persévérer. Défendons-nous un million. Peu importe ce qu'ils diront. Fonder à ses convictions. Défendons-nous un million. Ça n'est pas encore cette affaire-là. Ah, en tout cas, fait que je pense que vous l'avez remarqué, hein, c'était mon chien joué par Ibrahim et les Dompteurs de Tigre. Bye bye, puis bonne année 2018 tout le monde. Yes.